Un ovni dans la musique, je me présente, moi c'est Mugel. Un des seuls MC aujourd'hui à bosser sur ses lyrics. Relis un peu ce que t'écris avant d'enregistrer tes disques. Ces rimes sont du niveau d'un gosse, pourtant t'es plutôt jeune. Où sont donc passés les thèmes, petit c'est un mystère. Texte avec un peu de sens, aujourd'hui devient mystique. Rap capitaliste au service du système. Ce même système a vu naître une résistance artistique. Appelé rap, invisible au sens statistique. Le show bizarre dépris notre art, explique-moi pourquoi si t'aimes. Dernes sont les beats et les textes, tes matchs t'expliquent. La merde à l'américaine, prenant la violence et la haine. Et ils ont tous joué du gun à croire que c'est des expliques. N'attendent plus qu'on dise action pour lancer la scène. Man, ton jeu d'acteur aussi piètre que ta technique. Appuie-toi un peu, ton son sonne comme un larcène. J'assène des frappes lyricales pour mettre fin à cette merde. Mec, mets-toi à faire des prétextes avec des sujets invers. Et même tes compléments, t'as peut-être droit à un compliment. Si la moitié des mots que tu poses apparaissent dans le dictionnaire, j'ai récupéré mes armes, rappelle-toi, je suis un mercenaire. Au service du hip-hop, je le fournis en rime rap. Au pied de mon art, dans ce rythme de mon air, je suis le monarque, je manie la langue de Molière. Et leurs rimes sont fades, pas recherchées. Les instrus sont crades, les morceaux à chier. MC, t'arrêtes le rap, merci de me laisser la place. Donc mets-toi à l'aise, augmente le son. Je suis trop balèze, je fous la pression. Mugen, c'est que le début de l'histoire. MC, viens, je te démolis l'histoire. J'ai beau écouter ton œuvre, je ne retiens pas un seul vers. Qui me bluffe ou me surprend, j'ai beau attendre la chute. Écouter ta mère jusqu'au bout est un putain de calvaire. À croire que le trophée est à celui qui balance le plus d'insultes. Leur potentiel de MC à jamais s'est endormi. Il n'existe plus un morceau sans punchline sur la sodomie. Insulte la mère, la grand-mère et la sœur de Monsieur X. Associe tout tu croirais au scénario d'un film X. Et désolé de vous décevoir, mais ceux-ci ne sont pas fantastiques. Arrête de parler tes fantasmes, à croire que tu rap fantastique. Alors t'es sûrement super fier de ta rime éjaculatoire. Tu te fais bander tout seul, mec, un jour tu t'enculeras toi-même. Mes égo trips sont fun et tiens plus la mère. Faut que t'arrêtes le rap, comme dirait Stromae. Toi et ta bande, je vous vois, MC, donc tutoie. Ou au pire, tais-toi, 42 rimes, je vous broie. Ton rap est une pute pour des marques de luxe. Adieu à l'art de rue. C'est Gucci, Louis, Lamborghini. T'as pas de crédibilité, t'exploses juste des meufs en bikini. Tu te pointes au Ritz, commande un Mac de luxe. Car ton défaut et surtout ton son est plein de défauts. Ta vie, on s'en fout, on veut juste un flow de fou. Mais t'as rien de tout ça, et t'es pire qu'un pouceau. Tu pars de cul, c'est le cas dans tous tes morceaux. Et leurs rimes sont fades, pas recherchées. Les instrus sont crades, les morceaux à chier. MC, faut que t'arrêtes le rap. Merci de me laisser la place. Donc mets-toi à l'aise, augmente le son. Je suis trop balèze, je fous la pression. Mugen, c'est que le début de l'histoire. MC, viens, je te démolis l'histoire. Le rap n'est plus ce qu'il était. Je ne suis pas puriste, mais purée, j'y fais rien. C'est devenu pourri. MC, sois apeuré, ta faim est pourrière. Tu récupères ta Ferrari à la fourrière. Le rap n'est plus ce qu'il était. Je ne suis pas puriste, mais purée, j'y fais rien. C'est devenu pourri. MC, sois apeuré, ta faim est pourrière. Tu récupères ton flot de merde à la fourrière. Mugen, the best of the beat. Écoute ça, c'est du 100% Mugen, yeah. Et c'est du bon mec. Pas de la merde comme la tienne. Faut que t'arrêtes le rap. Il est 30 ans que t'arrêtes.